et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On l'a mentionné, le chapitre 28, c'est le chapitre final de cet évangile. Je vais vous donner quelques éléments de circonstances, de contexte. Bon. Qui concerne plus le texte. Hein, on reconnaît ici on reconnaît le style dépouillé de Matthieu. On l'a vu tout au long de l'évangile. C'est particulièrement flagrant ici. Matthieu, il donne très peu. En règle générale, Matthieu donne très peu d'informations circonstancielles. Il en donne beaucoup moins que les autres évangiles, par exemple. Parce que Matthieu insiste sur un point. Il insiste sur Jésus comme étant le roi messianique, mais aussi le roi de grâce qui a triomphé du péché. Puis le chapitre 28, bien, ça c'est pas différent du reste de l'évangile. Matthieu est très efficace dans son propos. Hein? Tout de suite après la résurrection, on nous narre deux ou trois faits et l'évangile se conclut sur la mission qui est donnée aux disciples. Ça va pas plus loin, contrairement à Jean, à Marc ou à Luc, où beaucoup d'informations nous sont données. Matthieu ici reste à l'essentiel. Le tombeau est vide, c'est proclamé par un messager de la puissance divine, c'est-à-dire un ange. Le roi est ressuscité, il est entré dans son règne, malgré l'opposition des autorités religieuses qui nient la résurrection. C'est tout. Chapitre 28, si on peut le résumer, c'est la résurrection. Et la résurrection, c'est une révélation. Retenez-le parce que je vais revenir souvent sur ce point-là, la résurrection. La résurrection, c'est une révélation aux enfants de Dieu. Et à travers les enfants de Dieu, c'est une révélation qui est faite à toute l'humanité. Cette révélation-là est la suivante. Christ règne désormais. Autrement dit, la résurrection, c'est la confirmation que le roi vit pour toujours et à jamais. C'est pour ça que le chapitre final de l'Évangile de Matthieu est important. C'est le plus important de tout le livre. Puis ça tombe bien, c'est moi qui le ferme aujourd'hui. Mais pourquoi c'est le plus important? Sans lui, tout le reste n'aurait aucun sens. On ne se serait pas donné la peine de lire jusqu'à maintenant si on finissait avec un tombeau qui n'est pas vide. Si le tombeau n'est pas vide, pourquoi est-ce que le roi, fils de Dieu, serait-il venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il aurait pris forme humaine? Pourquoi aurait-il été proclamé dans sa généalogie terrestre et spirituelle? Pourquoi il aurait été introduit par Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'il aurait accompli différents signes miraculeux qui attestent de sa puissance de roi? Pourquoi est-ce qu'il aurait annoncé le royaume de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il aurait été reconnu comme Messie par ses disciples? Pourquoi tout ça, si finalement Christ n'était pas ressuscité? C'est absurde. Non seulement c'est absurde, mais ça voudrait dire aussi une autre chose, que ses ennemis ont eu raison de le dénigrer. Si Christ n'était pas sorti du tombeau, ses ennemis auraient eu raison. Ça voudrait dire que tous ceux qui se sont dressés contre lui tout au long de son ministère, Israël, mais derrière Israël, toute l'humanité, il a eu raison de le rejeter. Si après sa mort sur la croix, Christ était demeuré au tombeau puis était tombé peu à peu dans l'oubli, comme c'est la plupart du cas des hommes, bien, ça voudrait dire également que le roi qu'il prétendait être ne l'était pas. Parce que comment un mort pourrait-il prétendre régner? D'habitude, lorsqu'un roi meurt, on confie la royauté à un autre prétendant. Donc, sans la résurrection, il n'y a pas de foi. On ne peut pas toucher à cette doctrine-là sans renverser tout le reste. Comme le dit 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Je le cite ici. C'est Paul qui prêche aux Corinthiens. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Je saute. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection des morts, si Christ lui-même n'est pas ressuscité, son œuvre n'a pas reçu l'approbation de Dieu, la mort reste invaincue et nous sommes encore dans nos péchés. Or, de ce fait, bien, ça veut dire que l'Évangile n'a plus aucun sens. Et que si l'Évangile n'a plus aucun sens, notre foi a perdu son appui. Ça veut dire aussi que la vie de renoncement et de séparation à laquelle on s'astreint, nous croyants, bien, ça devient absurde. Quand Paul dit qu'on est les plus malheureux de tous les hommes, il veut dire tout simplement que on a perdu à la fois la vie présente et la vie future. Donc, la résurrection est fondamentale. Puis c'est fondamental dans l'Évangile de Matthieu. Heureusement pour nous, le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, il dit tout le contraire. Il dit que Christ est ressuscité des morts. Il dit que sa victoire sur la mort le confirme et que sa victoire sur la mort établit Jésus pour toujours dans sa royauté. Pour toujours. Parce que c'est dans la nature d'un roi de triompher de ses ennemis. Et dans le cas présent, c'est de quelle victoire on parle? On parle de la victoire sur Satan que Christ a obtenue en ressuscitant. Souvenez-vous du Jardin d'Éden lorsque Dieu s'adresse au serpent. Il parle en ces termes. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est dans Genèse 3, verset 15. La postérité d'Ève ici désigne Christ, qui est né d'une vierge, qui va s'unir à Dieu pour vaincre le mal. Il le vainc par sa mort et sa résurrection. En écrasant la tête du serpent, c'est à la puissance du diable qu'il s'attaque. Il détruit sa puissance. Dieu connaissait toutes choses de toute éternité, hein? Il savait dès le départ. Dès le début, il fait connaître le remède qu'il avait par-devers lui. Et ça, dès que le péché est entré dans le monde. Donc, Christ est roi. Et la résurrection l'a proclamé par-dessus tout, par-dessus toutes les autres manifestations de la royauté de Christ qui sont décrites dans l'Évangile de Matthieu, parce qu'il y en a toute une tonne, il y en a toute une série de manifestations de la royauté de Christ. Mais la plus importante, c'est la résurrection. C'est pour ça que je l'appelle la manifestation suprême, qui est au-dessus de toutes les autres. C'est celle qui donne du sens à tout ce qui a précédé. Christ est roi. C'est un terme qui n'est pas unique à l'Évangile de Matthieu en passant. Les autres livres de la Bible en parlent également dans différentes circonstances. Je vais vous donner quelques exemples. La royauté de Christ est évoquée, par exemple, dans les Actes des Apôtres, lors de la comparution d'Étienne devant le Sanhédrin. Quand Étienne est rempli du Saint-Esprit, et je vais citer le verset ici, il fixe les regards vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, ça veut dire en position d'autorité. C'est Christ roi qu'Étienne vient d'apercevoir. Dans le psaume 2, beaucoup plus bien avant ces circonstances-là, ces événements-là, Dieu proclame son nom. Son Messie. Loin, ça veut dire Messie. Il proclame son roi au verset 6. Il proclame son fils au verset 7 et 12. Hébreux 11 parle de Christ, fils de Dieu, et Dieu lui-même dans ces termes-là. Que tous les anges de Dieu l'adorent au verset 6. Ton trône est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Toutes des marques de royauté ici. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Auquel des anges a-t-il jamais été dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ici, l'Épître cite le psaume 110. La résurrection, c'est la manifestation du fait que Jésus a été établi roi et qu'il règne désormais. dans les lieux très hauts, dans le ciel. C'est par contre à préciser, bon, faut nous comprendre aussi. Oui, Christ est roi. Il était roi avant de venir sur terre. Mais il a été établi roi, c'est-à-dire quand il est venu sur terre, il a pris forme humaine, il a renoncé à ses droits. Et c'est par la résurrection qu'il a régné à nouveau. Lorsqu'il a entrepris son ministère en Galilée, qui a été reconnu par Jean-Baptiste, Jésus est un roi qui ne règne pas encore. Il agit. Pourquoi il ne règne pas encore? Parce qu'en tout et pour tout, il agit sous l'autorité de son Père, à qui il est entièrement soumis. Jésus qui marche vers la croix, c'est un Jésus qui est pleinement conscient et qui est en train de réaliser le plan du salut pour l'humanité. Et ce plan-là a été voulu par Dieu. Mais il n'a pas encore reçu, au moment où il marche vers la croix, il n'a pas encore reçu l'empire sur toute chose. L'empire, c'est le pouvoir sur toute chose, au ciel comme sur terre. Parce qu'il lui restait encore à accomplir sa mission, qui était d'obtenir la victoire sur le péché. Et pour ça, ça ne pouvait que se produire sur la croix. Le pouvoir, l'empire sur toute chose, il va le recevoir au moment où il va sortir du tombeau. Parce que son sacrifice parfait a été agréé par Dieu. Et celui-ci l'a ressuscité en l'élevant et en lui donnant tout pouvoir sur le ciel comme sur la terre. Donc la résurrection, c'est une démonstration pour l'humanité. Une démonstration, c'est un exemple. Un exemple que Christ a vaincu la mort. Et que Satan désormais n'a plus aucune emprise, parce que Satan désormais est condamné. Puis au-delà du miracle que ça représente, le fait de passer de la mort à la vie, la résurrection, c'est vraiment une preuve pour nous que Dieu a donné à l'humanité, que désormais Jésus règne. Et son royaume va bien au-delà du royaume d'Israël. Il a emprise sur toute chose, au ciel comme sur la terre. Donc, pour revenir sur l'Évangile de Matthieu, parce qu'on n'y reviendra plus, à compter de la semaine prochaine, c'est pour les 20 prochaines années, c'est le livre d'Ésaïe qui va nous occuper. Il y a 66 chapitres. Oui. On vous recommande de lire plusieurs fois. Chaque chose en son temps. Donc, parfait, tu nous feras un compte-rendu là-dessus, Landry. Donc, pour revenir sur l'Évangile de Matthieu, pour une dernière fois, on remarque une progression tout au long de l'Évangile, une insistance croissante sur la royauté de Christ. Il y a une progression. Matthieu, je vous le rappelle, dans son style, il n'est pas chronologique. Il est thématique, il regroupe l'information par thème, quitte à bousculer les événements, à en faire, à les regrouper ensemble, à les antidater des fois même, c'est-à-dire les mettre avant la date supposée qu'ils se sont passés, bref. Il est spécial, Matthieu, là-dessus. Donc, au début de l'Évangile, Christ est présenté comme un roi, hein, par sa généalogie spirituelle, terrestre. Hein, il remonte jusqu'au roi David et au-delà de ça, jusqu'à Adam. Il est présenté comme un roi par les circonstances de son avènement. Il est reconnu par Jean-Baptiste, son ambassadeur. Il reçoit l'approbation divine. Il obtient la victoire lorsqu'il est tenté par le diable. Toutes des marques d'un roi qui triomphe et qui est présenté, qui est introduit. Christ également a l'autorité de la parole, parce qu'il est lui-même la parole, on s'entend. Il le démontre lorsqu'il censure les pharisiens, lorsqu'il s'adresse à eux, lorsqu'il s'adresse aux foules qui sont venues l'écouter, lorsqu'il leur donne des paraboles du royaume. Christ, en tant que roi, se choisit également des ouvriers. Il leur délègue son autorité. On le voit dans Matthieu 9. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Plus tard vient la transfiguration, hein, dans Matthieu 17. C'est une autre manifestation de la grandeur de Christ. On progresse, on continue. Lorsqu'il entre à Jérusalem, là c'est une proclamation publique qui est effectuée. Jésus est proclamé comme Messie, comme loin du Seigneur. Mais il ne règne pas encore. Il y a une autre qualité royale qui est soulignée dans l'Évangile, c'est de dominer les événements et les personnes en accomplissant quoi? Des miracles. On le voit entre autres lorsqu'il démontre sa puissance sur les maladies, sur les forces démoniaques, les hommes, les éléments naturels et même la mort. Ça, c'est tout au long de l'Évangile. Donc, à plusieurs reprises dans l'Évangile, Jésus démontre. Il démontre quoi? Il démontre la royauté dont il est investi. Et cette royauté-là, il la démontre également lorsqu'il est rejeté par les autorités religieuses et par son peuple, Israël, et finalement, l'humanité. Mais je l'ai dit, tant qu'il n'est pas ressuscité, il ne règne pas encore. Et c'est cette résurrection-là qui va rendre la royauté effective. Christ a désormais le pouvoir. C'est un pouvoir dont son Père, le Dieu Saint, l'a investi. Je reviens dans Hébreux 1. Christ est le reflet de Dieu. Et étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par son propre mérite, par son sacrifice parfait. Aucun humain ne peut rivaliser avec ça. Dans l'Évangile de Matthieu, un point important, c'est que, en fait, l'Évangile se termine sur ces quelques versets. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, Christ règne à ce moment-là. Et son premier commandement, il va à qui? Il va à l'Église naissante, à ses disciples. Il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La commission qui est donnée ici, là, c'est pas la commission de quelqu'un qui invite aimablement une personne à bien vouloir faire un effort. Non. C'est une commission qui est donnée à l'Église par un roi qui commande et qui parle avec autorité. Sans cette commission-là, puis sans l'autorité divine qui va derrière, comment l'Église aurait-elle pu se développer en passant? Comment elle aurait pu prospérer? Comment elle aurait pu répandre la parole si au départ elle n'avait pas été soutenue et mandatée par un grand roi? Même Gamaliel le pharisien, là. Vous vous souvenez dans Actes des Apôtres, lorsqu'il prend la parole, même s'il n'était pas favorable à l'Église, il va dans le même sens lorsqu'il s'adresse au Sanhédrin. Hein, il dit « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » La royauté de Christ, elle est visible pour tous ceux qui ont cru en lui, ses enfants. Elle est effective, elle est manifeste pour nous. On l'a dit tout à l'heure, la résurrection, la foi ne va pas sans la résurrection. Si tu crois en Christ, tu crois qu'il est ressuscité. L'un ne va pas sans l'autre. Il est tangible pour les enfants de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'humanité. Le reste de l'humanité agit comme les autorités religieuses, comme les principaux sacrificateurs. Elle ne veut pas l'avoir, cette résurrection. Ça n'empêche pas qu'elle a eu lieu. L'humanité ne veut pas admettre que Christ ait pu être ressuscité. Tout comme les principaux sacrificateurs, ils ne se rendent pas à l'évidence. Et pourtant, les gardes font un rapport aux principaux sacrificateurs sur ce qui s'est passé au tombeau, sur les signes extraordinaires qui viennent de se passer. Les hommes d'aujourd'hui sont confrontés au même choix que ces principaux sacrificateurs. sont confrontés au même choix lorsqu'on proclame Jésus-Christ qui est ressuscité. Soit on prend position pour la vérité, c'est ce qu'ont fait les disciples et les femmes qui sont allées au tombeau. Soit on fait comme les principaux sacrificateurs, on prend position pour le mensonge. Ne pas croire, c'est prendre position pour le mensonge. Ou croire au mensonge, c'est la même chose. On croit toujours en quelque chose. Et c'est un mensonge que les principaux sacrificateurs ont contribué à répandre. Le bruit là, dont il est fait mention dans Matthieu, c'est au sens de mensonge, de parole, de mensonge dont il est fait question aussi. Ce n'est pas vrai. Croire en la résurrection et croire au mensonge, c'est croire en quelque chose. En fait, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas Christ ce matin, c'est mon point ici. Ne faites pas comme les principaux sacrificateurs. Ne suivez pas leur exemple. Un jour, Christ va revenir, on va le rencontrer. Toute l'humanité va le rencontrer. Et quand Christ va revenir, c'est en tant que roi triomphant cette fois-ci. Il ne se dissimulera pas parmi les hommes, comme un homme qui n'attire pas les regards. Non, cette fois-ci, il va être accompagné de ses armées célestes. Et tout genou va devoir plier devant lui. Donc un jour, on va rencontrer Christ. Et si vous n'avez pas cru en lui, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire? Que vous avez cru à un mensonge? Personne ne va pouvoir résister devant lui. La vérité, c'est que Christ n'est plus dans le tombeau et qu'il est vivant. En passant, cette démonstration-là est inutile pour Dieu. Elle est utile que pour nous qui croyons. Dieu n'a pas besoin de savoir que Christ est ressuscité. C'est lui-même qui l'a opéré. Cette résurrection-là est manifestée pour ceux qui ont les yeux ouverts et qui sont en mesure de reconnaître, je l'ai dit, la majesté et la divinité de Christ. La foi commence dans la résurrection, je le répète encore. Christ n'est pas dans le tombeau. Sa parole est vivante et efficace, parce que c'est la parole de Dieu. Elle est là pour fortifier l'âme et la conviction des enfants de Dieu, mais aussi pour rejeter dans l'ombre et dans la confusion tous ceux qui refusent le témoignage de l'Église. Ne pas croire en la parole de Dieu, c'est la rejeter. Et c'est aussi rejeter Christ lui-même. Revenons sur les principaux sacrificateurs. J'en ai pas fini avec eux encore. Au contraire des disciples et des femmes qui se sont rendus au tombeau, se sont embourbés dans le mensonge. Il y avait une évidence pourtant. Et malgré l'évidence, ils ont intrigué. Intrigué, c'est-à-dire fomenté un complot pour répandre le bruit que c'était les disciples qui avaient enlevé le corps. Effectivement, ce mensonge se perpétue aujourd'hui. Il est plus présent que jamais en passant. C'est un scandale pour les gens lorsqu'on prêche Christ, et particulièrement Christ qui est ressuscité. Mais malgré ça, malgré le mensonge qui est à l'œuvre dans notre société, dans notre monde d'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont faits par le diable pour nuire à la vérité, rien ne peut l'empêcher. L'Évangile s'est répandu sur toute la terre malgré les efforts des ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ règne. Christ a tout pouvoir. C'est pas n'importe quoi, ça veut dire qu'il les contrôle, ces choses-là. Il a voulu que sa parole se répande, sa parole va se répandre. Et un jour, qui a fixé déjà, mais que nous ne connaissons pas, il va revenir. Il va être là, présent, et plus personne ne va pouvoir nier qu'il est ressuscité. La mission de l'Église, c'est de répandre la parole de Dieu jusqu'aux confins du monde, et je peux vous assurer que cette mission-là est presque accomplie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe tout autour de nous. On vit dans un temps où la parole de Dieu a été traduite dans des milliers de langues. On peut assurément dire qu'elle s'est répandue dans tous les coins de la terre. On approche du temps où Christ va arriver. Donc, est-ce qu'on peut dire que Christ est notre roi? Oui, il est notre roi et il règne. On a souvent entendu parler de Christ comme étant un Dieu d'amour, celui qui pardonne, qui encourage, qui fortifie, qui relève, qui enseigne. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il est plus rare qu'on entende parler de lui comme le Maître, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Feu dévorant, le Chef des armées, un roi. Un jour, c'est certain, Christ va revenir. L'humanité, bon gré, mal gré, n'aura pas d'autre choix que de le reconnaître. Je l'ai dit de fléchir le genou. Je cite ici Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous terre, et que toute langue confesse que Christ, Jésus-Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si ce n'est pas votre cas, ne risquez pas de vous retrouver devant le roi de gloire. C'est tout ce que je peux dire ce matin. Ne niez pas la résurrection, parce que les conséquences éternelles qui vont s'en suivre, elles sont éternelles. Et surtout, à ce moment-là, il va être trop tard. Amen.